troisième hybride, qui malheureusement est le seul qui n'a pas été travaillé par Julie Plec, très compréhensible, enfin, je sais pas pourquoi elle n'a pas travaillé dessus, qui en fait l'hybride loup-garou sorcier. Donc là, voilà, donc il possède bien sûr les pouvoirs du loup-garou du sorcier, il peut se transformer comme il le souhaite, mais la subtilité c'est qu'avec la sorcellerie, du coup les transformations se font sans douleur, ce qui du coup n'est pas plus mal. Quand il se met en colère, ses yeux deviennent orange. Sur les fatales aux vampires, tant qu'il y a du loup-garou, c'est fatal aux vampires. Et pour le tuer, c'est compliqué pour une personne de vouloir le tuer. Parce qu'en fait, tu ne peux pas t'allier à certaines personnes. Pour tuer un hybride loup-garou sorcier, c'est comme le système de l'hybride vampire sorcier. En fait, il faut tuer une autre personne dont il faut imbiber le pieu de ce sang-là pour le tuer. Sauf que pour cet hybride-là, il faut tuer la personne qu'il déteste le plus. C'est-à-dire que tu peux pas t'allier à son pire ennemi pour le tuer, parce qu'au contraire, tu dois tuer son pire ennemi pour ensuite le tuer. Ce qui fait que du coup, si tu rates ton plan, bah, au final, t'auras tué son pire ennemi sans qu'il ait à le faire. Donc, ça reste quelque chose de compliqué. Pour lui, enfin pour celui qui voudrait tuer un hybride comme ça. Donc en exemple, on a Maximus et Layla Strack. Layla est la cinquième et Maximus le sixième enfant de la famille Strack. Donc Layla Strack, elle est plutôt une fille bien qui est plus gérée par la sorcellerie, qui va beaucoup traîner avec Marcus Temple, le frère du héros, pendant un moment. Par contre, Maximus, lui, va totalement laisser le côté loup-garou prendre le dessus. Voilà, partout où il va aller, il va massacrer, il va faire du dégât. Voilà, il est même réputé comme étant le pire hybride qui existe sur Terre. Et il va même, parce qu'il y a quand ils sont devenus des immortels, il y a une chose qui a été nommée le pari des originels, où chacun devait faire quelque chose qui allait rester dans les mémoires. Donc certains, bon, enfin, ils ont tous fait des trucs qui sont restés dans les mémoires. Et lui, c'est le seul qui est resté dans les mémoires à cause d'une tuerie, parce qu'il a été aux États-Unis au moment où les États-Unis étaient très puissants, et en fait il s'est dit, voilà, en un an je vais conquérir le pays. Et en fait à chaque fois il allait dans un état, en faisant passer pour un inconnu loup-garou, il allait dans un état et puis il proposait des combats à mort, et le gouverneur devait mettre une personne qui l'a entraîné, une créature naturelle pour le combattre, et celui qui gagnait, bah voilà, si... Par exemple, le gouverneur de Californie mettait une créature et que sa créature gagnait, bon bah il gardait la Californie. Mais si Maximus gagnait, bah il prenait le contrôle de la Californie. Et bien sûr, vu que c'est un originel, et que bon, je vous ai déjà expliqué comment on le tue, mais qu'il le dit pas, et ben tout le monde pensait pouvoir l'affronter, alors qu'en fait c'était totalement impossible. Et forcément, quand il va arriver sur le trône des États-Unis, forcément, il va se taper une rébellion sur les bras, mais vu qu'il peut pas vraiment mourir, et ben, il va commettre un gros massacre. Et tout ça, se passe dans mes romans à peu près dans les années 60-70, et non à une vieille époque. Tout ce que je veux dire, c'est qu'ils sont devenus hybrides loup-garou sorciers, parce qu'ils sont nés avec le gène de loup-garou et le gène de sorcier de leurs parents, et en fait, les deux mélangés leur a automatiquement donné l'immortalité, contrairement aux autres.